Édito, page 3, en direct avec Monsieur le maire. Titre, plus que jamais notre monde a besoin de solidarité. Les événements du début janvier resteront à jamais gravés dans la chair meurtrie de notre pays. Le rassemblement historique autour des valeurs de notre République doit nous aider aujourd'hui à dépasser certains clivages et à devenir dans chacune de nos actions les artisans de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et les combattants infatigables contre tout communautarisme. C'est le vœu sincère et fort que je forme pour notre société. Cette édition du journal de notre ville va vous permettre de constater combien nous mettons en pratique, de manière quotidienne, le dialogue et l'accompagnement des acteurs de notre territoire. Ceci afin de cultiver dans notre belle ville le bien vivre ensemble. Par ailleurs, l'actualité nous invite à être, comme nous l'avons toujours été, très attentifs à nos budgets. C'est en étant responsables que nous devons gérer notre ville et ne pas dépenser sans compter, au risque sinon de mettre en péril l'équilibre de nos finances. Soyons-en conscients, les temps sont durs, la crise économique nous frappe cruellement et l'objectif fixé par le gouvernement de baisse des dotations imposé aux collectivités locales est sans précédent. Je veux toutefois profiter de cet échange pour vous inviter à croire aux atouts de notre territoire et à regarder l'avenir avec confiance, même si nous devrons encore faire des efforts. Nous sommes déterminés à fédérer toutes les forces vives et à être, comme nous l'avons toujours été, porteurs d'espoir et d'initiatives qui font notre ADN. Fort de cet état d'esprit, de cette volonté partagée, nous nous emploierons à agir pour conforter notre attractivité, à agir dans le respect de notre environnement, à agir pour mieux servir nos concitoyens. Nous continuerons à le faire dans le respect et l'affirmation des valeurs si chères à notre République. Très bonne lecture à vous toutes et à vous tous. Chaleureusement, Philippe Henry, maire de Château-Gontier-Bazouges.